François Kimana sur la mise en onde. Bonjour ou bonsoir auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition, la toute première de la mi-journée du mois de juin 2020. D'abord l'essentiel. À 10 jours de la passation du concours national des classes de 9e année qui donne accès à l'enseignement post et fondamental, les révisions y relatives sont en cours. Nous ferons le tour à mairie de Bujumbura et à Kirundo. Il s'observe un relâchement dans le respect des mesures préventives contre le Covid-19 en mairie de Bujumbura. Devant les marchés de la zone urbaine d'Unahangwa, les dispositifs de lavage de mains semblent être oubliés. Et dans la chronique sportive, comme vous en avez l'habitude tout le lundi, aujourd'hui, le taekwondo est au rendez-vous. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le maire de la ville de Bujumbura se dit inquiet des individus qui appellent les gens par téléphone mobile en son nom. Ces derniers jours, Freddy Mbonima signale que ces derniers le font par escroquerie. Il demande à la population d'être vigilante avec ces individus qui, selon lui, sont des malfaiteurs. Et il demande également aux responsables des sociétés de télécommunications de s'assurer bien si les cartes SIM distribuées sont utilisées par les propriétaires enregistrés. Suivez-le, il s'entretient avec Jean-Marie Mayong. Ces derniers temps, nous observons qu'il y a des gens qui utilisent les téléphones en appelant les gens et en se nommant même, se passant pour des autorités qui donnent des faux espoirs qui vont leur donner de l'emploi, que c'est le maire de la ville. Même d'autres institutions sont souvent citées, alors que ce sont des escrocs. Donc, ça devient monnaie courante. On voudrait quand même donner un message à la population urbaine de faire attention à ne pas suivre moutonnement ces coups de fil. S'ils ont quand même quelques inquiétudes, de se présenter aux concernés à ces non-cités pour qu'ils puissent donner la lumière. Donc, ce sont des bandits. Et nous voudrions aussi lancer un appel aux maisons de télécommunications qui vendent les cartes SIM, de bien se rassurer que les gens qui utilisent leurs cartes SIM sont réellement les vrais bénéficiaires. Quand on fait des enquêtes avec la police, on trouve que celui qui se trouve dans le classement de la société n'est pas celui qui détient la carte SIM. Donc, il devrait faire des efforts à tel point que les gens qui utilisent leur téléphone soient connus de ces maisons de communication. Freddy Mbonima, il est maire de la ville de Bujumbura. Et les adeptes des Ebi, récemment rapatriés de la République démocratique du Congo, ont été réintégrés dans leur famille d'origine depuis samedi dernier. Précision du directeur général du rapatriement, de la réinstallation et de la réintégration des rapatriés, Nestor Bimenyimana, souligne que même s'ils ont refusé de signer l'acte d'engagement de respect des lois et des valeurs culturelles burundaises, ils seront surveillés par les administratifs et quiconque violera la loi sera sanctionné, prévient-il. Suivi. On a pris la décision de faire des formations accélérées à ces adeptes. La formation liée à la formation patriotique, c'était juste pour voir si réellement ces adeptes des Ebing Nakumana reviennent à la culture burundaise. Mais malheureusement, nous avons constaté que leur niveau de compréhension est très bas parce que en date du 27 avril, nous avons fait une évaluation, mais on a constaté que parmi les enseignements reçus de données, la matière n'a pas été bien accueillie. Avant-hier, en date du 30 mai, l'autorité a autorisé que ces adeptes soient transférés dans leur famille d'origine, mais qu'ils doivent continuer à recevoir un encadrement de l'administration à la base. Mais ce qui est inquiétant, ils ont refusé à l'unanimité de signer un acte d'engagement préparés pour témoigner réellement qu'ils ont compris les formations qu'ils ont reçues. Cet acte d'engagement ne contenait que le bien-être du citoyen, le bien-être des enfants, le bien-être familial. Malgré ce désagrément, on a toujours convenu de transférer ces adeptes dans les familles d'origine. Donc, à l'heure que je vous parle, je pense que les derniers sont entrés de rentrer dans leur famille, mais ils sont toujours en position de surveillance, de contrôle par l'administration à la base. Lui qui n'est pas à mesure de respecter ce qui est dans cet acte d'engagement sera puni conformément à la loi et comme tout autre Burundais qui pourrait refuser de respecter la loi burundaise. Nestor Bimenyimana, directeur général en charge du rapatriement au ministère de l'Intérieur. Et campagne de récolte du riz, haricots et café en cours en province Ngodi ces derniers jours. Les agriculteurs et responsables agricoles comme l'ONG Accor parlent d'une bonne production comparativement à la saison précédente. Les caféculteurs, clients de l'Office de développement du café, de leur côté, demandent qu'ils soient payés, expliquant que ceux de la province qui l'ont donc été déjà rémunérés. Apollinaire Mouzaga, la correspondance. Selon les agriculteurs du marais de Nyakijima, aménagé par le Prodefi et l'ONG partenaire Accor, la production rizicole est très bonne cette saison, chose confirmée par Tadema Nilakiza, représentant l'Accor Angozi. Selon lui, la production moyenne actuelle est de 5,5 tonnes de riz par hectare dans ces marais aménagés, contre 2,5 à 3 tonnes d'av. Pas seulement le riz, d'autres cultures comme le haricot et même le café affiche aussi une bonne production malgré la pluie qui est partie très tôt. Le magasinier est chargé de l'analyse des rapports à l'Office de développement du café de Ngozi indique que jusque ce lundi avant midi, l'ODK avait déjà collecté 2167 tonnes de café cerise et les achats aussi des stations de lavage du café tenues par l'ODK continuent jusqu'à fin de ce mois de juin, éclaircit Nestor Niondiko. C'est un moment où lors de la campagne passée, l'on a seulement collecté 1096 tonnes de café cerise. Les caféiculteurs d'Ngozi saluent cette bonne production, mais demandent d'être payés car selon eux, ceux d'autres provinces comme Kirundo ont déjà perçu leur dû. Et Nestor Niondiko tranquillise que sous peu, eux aussi seront payés. D'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Après une courte pause, on va rester au nord, mais cette fois-ci, pour parler de l'éducation. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05 dans les yeux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Les préparatifs au concours national se déroulent normalement dans toutes les classes de la 9e année en province de Kirundo et tous les programmes prévus sont déjà achevés dans toutes les écoles de cette même province à 10 jours de la passation du concours, de ce concours national. Nestor Moussafili, directeur provincial de l'enseignement, demande aux parents des candidats de leur accorder du temps suffisant pour la révision. Entre-temps, les tests d'entraînement au concours national sont en cours. Abraham Safari. Plus de 2 900 candidats sont attendus au concours national édition 2019-2020 en province de Kirundo. Comme le signale le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo, Nestor Moussafiri, dans toutes les écoles des communes de la province de Kirundo ayant les classes de 9e année, tous les programmes prévus sont déjà achevés. Pour le moment, continue le directeur provincial, les candidats sont en train de faire les tests d'entraînement au concours national. Pour les centres de passation, ils ont déjà fixé 50 avec 202 surveillants qui seront déployés le jour de passation en date du 9 juin de cette année. Concernant les moyens, le directeur Moussafiri nous a fait savoir que 23 véhicules sont déjà disponibles, sauf les frais de location. Quant au per diem de surveillants, ils sont déjà sur le compte. Il demande aux enseignants de prendre un temps suffisant pour faire la révision des programmes et les parents de laisser libre ses enfants pour faire les études étant à la maison. Concernant les moyens de protection contre le coronavirus, le directeur provincial de l'enseignement nous signale que les dispositifs de lavage sont prévus et ils vont essayer de respecter la distanciation d'un mètre entre un élève et un autre. Même certains enseignants de la 9e année interviewés nous ont confirmé qu'ils ont déjà terminé les programmes, mais s'inquiètent des cas d'abandon qui se remarquent et des fois sans motif. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Ce concours est en cours de préparation également à mairie de Bujumbura. Certains responsables d'établissements scolaires de la mairie de Bujumbura se réjouissent du pas franchi dans la préparation du concours national édition 2020 prévu la semaine prochaine. Certains directeurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que les programmes ont pris fin, mais nuancent-ils la révision continue et demandent la responsabilité de tout un chacun pour avoir de bons résultats. L'on me montre que l'élément n'est pas prêt, mais aussitôt qu'il est prêt, on va y revenir. Page santé à présent. Les mesures de prévention contre le coronavirus, comme le lavage des mains, ne sont plus respectées dans les lieux publics, où se rassemblent des foules à l'entrée des marchés de la commune urbaine de Nahangwa, visité ce lundi par nos reporters. Les dispositifs de lavage des mains semblent être oubliés et dans des endroits où il existe encore. Et dans des endroits où il existe encore, il s'observe un relâchement dans le respect de ces mesures préventives. 21 nouveaux cas testés positifs au COVID-19 ont été déclarés par le ministère de la Santé publique samedi dernier à Armel Motor. Dans certains marchés de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, que nous avons visité l'avant-midi de ce lundi, les mesures de prévention contre le coronavirus ne sont pas suivies comme il se doit. Au marché de la commune Kamenge, le dispositif de lavage des mains a été abandonné. Les personnes qui entrent dans le marché ne se lavent plus les mains. Au marché de Kinama, à différentes entrées, l'eau et le savon sont disponibles, mais la plupart de ceux qui fréquentent ce marché ont abandonné les mesures d'hygiène. La même situation s'observe au marché de la zone Gagara, où à certains endroits on y trouve de l'eau, mais sans savon. Au marché de Kotebu et au marché d'Ichesion, le dispositif de lavage des mains est disponible, mais on remarque un certain laxisme dans l'observation des mesures de lavage des mains. Le ministère de la Santé publique a réitéré à la population burundaise de continuer à observer les mesures de prévention pour faire face à la propagation du COVID-19. Dans un communiqué de ce même ministère, sorti ce samedi 30 mai, il a annoncé l'apparition de 21 nouveaux cas testés positifs. Merci Armel Motore. Le petit commerce exercé par des femmes paniers sur les têtes dans différents quartiers de la ville de Bujumbura fait vivre des familles. Elles disent ne pas attendre l'apport de leur mari et appellent ainsi d'autres femmes à contribuer financièrement pour la survie. Selon certains des acheteurs, ce genre de petit commerce est avantageux étant donné que cela raccourcit les distances à parcourir. L'élément n'est pas également prêt. Mais le reste de l'actualité, en bref, c'est l'actualité sportive. Avant de passer à la chronique sportive, le club messager Ngozi a battu ce dimanche Burundi Sport Dynamique 2-1 dans le championnat burundais Primus League. Ainsi, il totalise 58 points et garde toujours la première place au classement. Son dauphin Musongati FC a 55 points après avoir battu les Lières de Bujumbura 4-0. Samedi, Interstar s'est imposé contre Vitalo FC 2-1 dans un derby de Bujumbura. Les clubs, les Lières et FC Ngozi City sont relégués en deuxième division pour la prochaine saison. Et on revient sur cet élément en rapport avec le petit commerce exercé par des femmes paniers sur les têtes dans différents quartiers de la ville de Bujumbura qui fait vivre des familles. Ils disent ne pas attendre l'apport de leur mari et appellent ainsi d'autres femmes à contribuer financièrement pour la survie. Selon certains des acheteurs, ce genre de petit commerce est avantageux étant donné que cela raccourcit des distances à parcourir. Mireille Kanyang et reportage. Elles ont toutes un point de convergence. C'est ce petit commerce exercé par le port des paniers sur la tête. Elles appellent à l'achat de différents produits. Ces femmes, je les rencontre en zone urbaine de Nyakabiga. Elles doivent contribuer financièrement, disent-elles, pour faire vivre leur famille. Pour les acheteurs, ils disent gagner doublement. Vendeuses et acheteurs s'accordent sur ce fait qu'il n'y a pas de métier à négliger et appellent d'autres femmes à participer dans la vie de leur ménage. Merci Mireille Kanyang. On revient également sur l'élément en rapport avec l'éducation. Certains responsables d'établissements scolaires de la mairie de Bujumbura se réjouissent du pas franchi dans la préparation du concours national édition 2020 prévu la semaine prochaine. Certains directeurs qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que les programmes ont pris fin, mais nuance-t-il, la révision continue et demande la responsabilité de tout un chacun pour avoir de bons résultats. Reportage d'Ezekiel Ndikungenayo. Ces responsables des écoles ayant des candidats au concours national prévu depuis la semaine prochaine disent que les programmes de cours sont achevés seulement. Ils restent préoccupés par la révision de la matière des cours à test. Ayant avoir appris que le ministre a déjà dit quand ce concours va se faire, nous avons pris en compte ce communiqué et nous avons mis en application l'horaire que nous avons prévu pour les enfants pour la révision. Les programmes de cours sont déjà achevés pour cette année scolaire. Il n'y a pas de problème, on a achevé les programmes à temps. Et maintenant que je vous parle, les enfants sont au travail, les profs sont au travail, ils sont allés de faire la révision de ces cours. Et il n'y a pas de problème concernant l'achèvement des programmes de cours. Toutefois, ces derniers demandent les candidats au concours, aux enseignants et aux parents de réunir les efforts pour avoir de beaux résultats. Nous décrochons une place de choix dans notre commune. Après le lycée de la convivialité, c'est nous qui viennent en deuxième position au niveau du classement. Alors la spécialité, c'est là même de faire travailler beaucoup les enfants. Normalement, ceux qui ne devraient pas prendre part dans les préparations de son cours, c'est tout le monde, c'est-à-dire à commencer par les enfants eux-mêmes qui doivent prendre conscience que c'est eux-mêmes qui doivent préparer ce concours. En deuxième position, on doit citer aussi les professeurs qui doivent accompagner les enfants en insistant sur les matières qui ne sont pas bien comprises par les enfants. Et aussi, on ne peut pas oublier la part des parents qui doivent veiller à ces enfants qui ne fassent pas quelque chose qui ne cadre pas avec ce concours dans ces derniers jours. Le concours national de la 9e année édition 2020 est prévu à partir du 9 jusqu'au 11 juillet de cette année. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans cette chronique sportive, le taekwondo est l'un des sports martiaux pratiqués à l'aide des mains et des jambes qui est pratiqué dans le but d'avoir l'accès aux compétitions et de se défendre. C'est l'explication du président de la Fédération burundaise de taekwondo, Cyprien Bigirimana, fait savoir que ce sport est différent du karaté selon leur origine et la façon dont ils se jouent. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Kazenet. Le taekwondo est l'un des sports martiaux pratiqués dans les formations des clubs dans le but de développer les muscles. Cela est dit par Cyprien Bigirimana, président de la Fédération burundaise de taekwondo. Le sport de taekwondo, d'abord, c'est un sport qualifié dans les arts martiaux. Le taekwondo, c'est un art martial comme le Shotokan, comme Wadoryu. C'est un sport qui se pratique au jour le jour dans la formation des clubs, dans la formation des athlètes aussi. D'abord, pour développer leurs muscles et pour effectuer des compétitions tant nationales qu'internationales. Ce président de la Fédération burundaise de taekwondo fait savoir que ce sport est un style différent du karaté selon leur origine. Il y a une grande différence. Beaucoup aiment utiliser karaté comme un style. Or, le karaté, c'est un nom commun de tous les arts martiaux. Parce que karaté, ça s'écrit kara, qui signifie inhumain, et puis te, qui signifie vide. Karaté signifie main vide. Et au lieu de dire karaté, il faut dire le Shotokan, qui prend origine au Japon, tandis que le taekwondo a comme origine Corée du Sud. En ce qui est du système d'arbitrage, Cyprien Bigirimana indique qu'un match de taekwondo est arbitré par 4 arbitres qui ont des fonctions différentes. Le système d'arbitrage, d'abord, il doit y avoir quelqu'un qui arbitre les compétiteurs et 4 qui attribuent des points. Ils se placent dans l'angle du terrain, aussitôt que et les deux personnes se compètent ou effectuent la compétition. Mais actuellement, il y a un système où nous utilisons le matériel électronique. Ce président de la Fédération burundaise de taekwondo affirme que ce sport a été créé par le général d'origine sud-coréen Choi Hong-Lee. Dans la prochaine chronique sportive, Cyprien Bigirimana expliquera l'état des lieux de taekwondo au Burundi. Merci Marie-Claire Kazenezebenfara. À 13h15, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana qui l'a mise en onde. Deli Nibel Nibigraj était à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.